Oui, bien sûr, Elisabeth Prokofievna. Mais au fait, de quoi s'agit-il exactement, je vous prie? De mariage, prince. De certains mariages qu'on veut conclure ici et que je n'approuve pas. Oh, maman. Bah quoi, maman? Tu les approuves, toi, ces mariages ridicules? Allons, sois franche, Adélaïde. Je considère que chacun est libre. Oui, bon, bah, tu nous donneras ton opinion sur ce sujet une autre fois. Que faites-vous derrière la porte, Gabriel Ardalionitch? Entrez, entrez, je vous prie. Madame la générale, mesdemoiselles, prince. Bon, bonjour, bonjour, Gabriel. Alors, il paraît que vous allez vous marier. Me marier? Comment cela? De quel mariage voulez-vous parler, madame la générale? Mais du vôtre. Allons, ne prenez pas, j'éternuais. Gabriel Ardalionitch jeta un regard suppliant sur Aglaé et détourna les yeux. Il semblait déconcerté, malheureux peut-être. Aglaé, calme et distraite, souriait. Dieu sait pourquoi. Êtes-vous devenu muet, Gabriel? Je vous ai demandé si vous alliez vous marier. Ben, répondez. Moi? C'est-à-dire, voyez-vous, madame la générale, les circonstances m'obligent. Non, je ne pense pas me marier. Non. Non. Alors, c'est bien. Je me souviendrai que ce mercredi 27 novembre, vous avez dit que vous n'envisagiez absolument pas de vous marier. Bon, et maintenant, adieu, je dois encore m'habiller. N'oubliez pas de reprendre le portrait de Nastassia Philippovna. Au revoir, prince. Cette maison vous est ouverte. Venez quand vous voudrez, et sans façon. Je crois que c'est pour moi que Dieu vous a fait venir à Saint-Pétersbourg. Alexandra, veux-tu passer dans ma chambre? J'ai quelques mots à te dire. Gabriel Ardalionitch, l'air méchant, prit le portrait de Nastassia Philippovna et se tourna vers moi. Prince, j'ai fini mon travail pour aujourd'hui. Si vous avez toujours l'intention de loger chez nous, venez. Oh, attendez, prince. Vous devez encore me donner votre autographe. Papa nous a dit que vous étiez un véritable artiste. Je vais chercher mon album. Au revoir, prince. Je m'en vais aussi. Adélaïde me serra fortement la main et sortit à son tour. Dès que nous fûmes seuls, Gabriel Ardalionitch, le visage crispé de rage, s'approcha de moi. C'est vous. C'est vous qui leur avez rapporté que j'allais me marier. Oh, quel bavard! Mais je vous assure que vous vous trompez. Je ne savais rien. Vous mentez! Vous avez entendu tout à l'heure le général qui disait que tout allait se décider ce soir chez Nastassia Philippovna. Et vous le leur avez répété. Autrement, comment l'aurait-elle appris? Allons, ne niez pas. Qui diable aurait pu le leur dire si ce n'est vous? Je n'ai pas dit un mot à ce sujet. Avez-vous au moins transmis mon billet à Aglaé? Voilà. Choisissez une page, prince. Et écrivez-moi quelque chose. Venez, prenez cette plume. Elle n'est pas en acier, mais j'ai entendu dire que les vrais calligraphes n'écrivent pas avec des plumes en acier. Aglaé me parlait sans avoir l'air de remarquer la présence de Gabriel Ardalionitch. Mais ce dernier s'approcha de la cheminée où elle se tenait et lui murmura d'une voix tremblante. Un mot de vous, un seul mot, Aglaé Ivanovna, je suis sauvé. Le visage de Gabriel Ardalionitch exprimait le désespoir. Il semblait avoir prononcé ces paroles comme dans un délire. Aglaé le regarda quelques secondes avec ce même étonnement paisible que je lui connaissais déjà. Et cet air qu'elle avait de ne pas comprendre ce que Gabriel Ardalionitch lui disait était pour ce dernier pire que le mépris, pire qu'un soufflet administré aux yeux de tous. Je me portai à son secours. Je montrai à Aglaé mon album. Que dois-je écrire? Je vais vous dicter, prince. Écrivez « Je ne marchande pas ». Maintenant, mettez la date, prince, et rendez-moi l'album. Voilà. Vous avez une écriture merveilleuse. Venez avec moi, je veux vous faire cadeau de quelque chose. Je suivis Aglaé. Elle pénétra dans la salle à manger, hésita une seconde, puis me tendit le billet que je lui avais remis de la part de Gabriel Ardalionitch. Lisez ceci, prince. Mais ce billet vous est destiné, Aglaé? Je suis sûre que vous ignorez son contenu, car je ne peux pas m'imaginer que vous êtes le confident et le complice de cet homme. Lisez donc ce billet. Je vous ordonne de le faire. C'est bien, Aglaé, je vous obéis. C'est ce soir que je dois donner ma parole. C'est ce soir que mon sort va se décider. Je n'ai aucun droit à votre complaisance et je ne peux nourrir nul espoir, mais jadis vous m'avez dit un mot. Ce mot a suffi pour illuminer ma triste existence. Il est devenu comme un phare pour moi. Maintenant, dites-moi encore un mot et vous m'épargnerez un grand malheur. Dites-moi par exemple, Gabriel, rompez tout. Et je romprai tout. Je ferai table rase autour de moi et en moi. Je ne demande qu'un peu d'intérêt, un peu de sympathie, rien d'autre. Je vous le répète, je ne peux concevoir aucun espoir, car je n'en suis pas digne. Cependant, si vous me l'ordonnez, j'accepterai de nouveau ma pauvreté. Je supporterai avec joie ma situation humiliante. Dois-je vraiment continuer à lire ce billet, Aglaé? Il est destiné à vous seul, il me semble que je commets une grande indiscrétion. N'avez-vous pas pensé, en me remettant ce billet, que vous vous faisiez complice d'une machination dirigée contre moi? S'il en est ainsi, je suis désolé de vous l'avoir transmis. Ce Gabriel Ardalionitch est un misérable. N'êtes-vous pas un peu trop sévère à son endroit? Non, prince, jugez-vous-même. Cet homme m'assure qu'en lui écrivant « Rompez tout », je ne me compromets pas et que je ne m'impose aucune obligation à son égard. En vérité, cette petite phrase « Rompez tout » doit constituer pour lui une garantie. Remarquez avec quelle perfidie il souligne certaines expressions à travers lesquelles percent les pensées qu'il veut tenir secrètes. Cependant, il sait que s'il avait rompu tout seul, sans qu'émander de moi un ordre, j'aurais pu changer de sentiment envers lui. Je serais peut-être devenue une amie pour lui. Vous auriez pu devenir une amie pour Gabriel Ardalionitch? Vraiment, Aglaé? Répondez. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, Pierre Noël, Ginette Taffin, Denise Costanzo et Gabi Morlaix. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.